Si tu as sur ce son aggravé, je suis pas de ceux qui cherchent à taffer. Ce que j'ai fait, ils l'ont pas fait. Moi c'est minimum 30 heures, mais j'ai avé. Enragé, engagé, dégagé, je suis du dérangé. Pas pour arranger, pas prêt de me ranger sur tous les coups branchés. Qui veut m'approcher, va se faire trancher. Avec vos pages de lyrics, je vais me torcher. Les porcs finiront comme nos moutons égorgés. Je saigne et je bois ton sang à petite gorgée. C'est la street qui m'a forgé, c'est le caractère du berger. Si je suis SDF, c'est le ballon qui va me berger. Le respect n'a pas d'âge, le rap est déréglé, je procède au réglage. Que les MC passent le bagage, presque qui leur agage. Je suis celui qui les agace. Comme dit Samy, chez nous, ça passe ou ça claque. Clac, clac, clac, on les déclaque, clac, clac, on met des clac, clac, clac, pour petit crac, crac, crac. Lisez le trap, trap, trap, qui nous décale, cal, cal. Expérimenté, on vole jusqu'à la drague. Clac, clac, clac, clac, on les déclaque, clac, clac, on met des clac, clac, clac, pour petit crac, crac, crac. Lisez le trap, trap, trap, qui nous décale, cal, cal. Expérimenté, on vole jusqu'à la drague. Pour la mise que c'est bénévole, le taf crade. Des punchlines montent en grade. Comment quoi faire nos vies dégradent. Et les meufs sont crocs, j'insulte la police, les juges et les procs. Et j'assume que porte mon froc. Trop de chics sans les phoques. Avec leur Gucci fac, veulent avoir la cote. Y'a qu'à leur naissance, ils ont eu une chasse. Et parlent de baisse. Ont été passagers dans une langue et parlent de grosses baisse. Ricotte avec des MZ Ranet. Numéro 1, rien à voir avec le FC Metz. J'm'arrête, puis j'suis dans ma web. Si tu veux test, va y avoir des averses. J'ai chaussé mes Louis V, ranger mes converses. Arrêtez de dire qu'on me cherche. Si j'suis pas à la chicha, j'suis à Villers. Oh wow wow wow wow, bande d'homosexuels là, bande de fils d'homo là. Arrêtez de jacter la putain de grossesse. La claque, claque, claque, on les déclaque. Clac, clac, on met des clac, clac, clac. On fait qui crac, crac, crac. Lisez le trap, trap, trap. Qui nous décale, cal, cal. Expérimenté, on vole jusqu'à la trap. Clac, clac, clac, on les déclaque. Clac, clac, on met des clac, clac, clac. On fait qui crac, crac, crac. Lisez le trap, trap, trap. Qui nous décale, cal, cal. Expérimenté, on vole jusqu'à la trap. Crise, retour dans game comme Jean-Claude Van Damme. À peine de retour que je fais déjà un scandale. Ambiance de vandale, je te l'avais dit mon pote. Mon flow apporte un nouveau sou. Sortez couvert mon flow, vous embarque ton Moscou. DM si pour les shows, tu parles beaucoup trop à mon goût. Je l'emmerde, ton rap de merde, tout le monde s'en va les yeux coups. Ton place plus la défaite, personne écoute ton rap de boucard. Tu nasses pour les têtes brûlées, les burlés, dur les fous qui aiment écouter la police hurler. Tu te voyais en haut de la fouche comme Aznavour. Arrête tes conneries, ça c'est du gros sans lourd. Hez Christo, c'est notre ère et ça dès le premier plat. Alors ça vaut une petite démo, extrait de l'ampleur de notre bravo. Tout le monde sait que le crew débarque sèchement. Battu comme serein, non, non, ça c'est pas. On se larve, y'a trop de fils de putain, inscrit tout nous. Oh Mike, on en brise de plus d'air, on en brise de plus d'air. La clac, clac, clac, on les déclaque, clac, clac, on met des clac, clac, clac, je comprends qui crac, crac, crac. Qui c'est le trap, trap, trap, qui nous décale, cal, cal. Expérimenté, on vole jusqu'à la trap, trap, clac, clac, clac, on les déclaque, clac, clac, on met des clac, clac, clac, je comprends qui crac, crac, crac. Qui c'est le trap, trap, trap, qui nous décale, cal, cal. Expérimenté, on vole jusqu'à la trap, trap, trap.